quand la lumière s'éteint, qui restera à la fin, aujourd'hui et demain, tu resteras toujours mon frère, mon frère. Tu resteras toujours.